18-19, observation, ordre, impératif positif et négatif. Ne m'embête pas, laisse-moi tranquille. Ces phrases sont des ordres. Ces ordres sont exprimés par des verbes à l'impératif. Ne m'embête pas est un ordre négatif. L'aspect négatif est exprimé par ne m'embête pas.